Et Stéphane, vous recevez ce matin Denis Lefebvre, le président du groupement gay et lesbien du Loiret. Bonjour Denis Lefebvre. Bonjour, juste dire, c'est groupe Action Gay et Lesbien du Loiret. Merci. Voilà, pour être précis. Soyons précis ce matin. Ce soir, vous organisez donc un débat au cinéma Les Carmes avec la projection du film Harvey Milk. C'était le nom de ce politicien aux États-Unis qui avait été l'un des premiers au monde à faire son coming out, à révéler son homosexualité. Et puis dimanche, c'est donc la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Est-ce qu'il y a encore des cas aujourd'hui sur Orléans d'homophobie, que ce soit à travers des agressions ou à travers des insultes, Denis Lefebvre? Bien sûr. C'est permanent, on est en suivi et en soutien permanent pour des personnes qui se font agresser. Ça se fait sous quelle forme? Alors, l'homophobie, ça peut être le plus grave, bien sûr, c'est les violences physiques. Ça, il y en a encore aujourd'hui? Bien sûr, oui. Combien à peu près, si vous savez, si vous pouvez le recenser? Sur Orléans, tout le monde vient pas nous voir, bien sûr, mais on a une estimation à une ou deux agressions par mois, je pense, sur les lieux extérieurs, la rue ou dans le voisinage. Mais hélas, tout le monde n'arrive pas à porter plainte. Parce que pour porter plainte, il faut être drôlement à l'aise à l'intérieur de soi. Il faut souvent avoir fait son coming out. Parce que si on porte plainte, en même temps, on révèle à ses amis, son voisinage, etc., qu'on est homosexuel. Et souvent, c'est pas encore fait. Du coup, ça devient encore plus difficile. Et c'est des gens qui vont rester avec cette souffrance de l'agression pendant des années, voire toute leur vie, qui diront jamais rien, quoi. Et quand on a assumé tout ça, est-ce qu'au niveau des démarches aussi auprès de la police, auprès de la justice, aujourd'hui, vous avez l'impression que on est libre de le faire quand on veut? Alors à Orléans, c'est une situation quasi exceptionnelle par rapport à d'autres villes, puisqu'on est extrêmement bien accueilli au niveau du commissariat de police. Et au tribunal, on l'a vu en 2006, on a eu un traitement comme tout citoyen, etc. Et c'est pas le cas dans toutes les villes, malheureusement. Pour parler crûment, c'est quoi? C'est du cassage de gueule encore, oui, c'est ça? Ouais. Cassage de gueule, cassage de voiture, destruction de biens, des boîtes aux lettres qui brûlent, des inscriptions sur les portes, des choses comme ça, quoi. Alors ça, c'est la forme la plus aiguë, j'allais dire. Voilà. Après, sur la forme la plus peut-être banale et quotidienne et qui est peut-être la plus dure à vivre, vous venez nous le dire, mais c'est des formes de discrimination aussi. C'est ça, c'est les insultes, les grosses blagues vaseuses, c'est des refus de service. On a eu ça aussi l'autre jour à l'asso, quelqu'un qui nous faisait part d'un refus de location. Nous-mêmes, location d'appartement, oui, un propriétaire qui, quand s'est rendu compte qu'il est en train de louer un couple de gars, d'un seul coup, l'appartement était plus à louer. Donc nous-mêmes, quand on a recherché à louer un local là, en juillet dernier, on a eu des surprises dans certaines agences. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? Ben, il n'y avait plus rien à louer. D'accord. Alors que vous saviez par ailleurs que normalement il y avait pour des biens. Les annonces, oui, mais bon, alors c'est tant mieux pour eux s'ils avaient tout loué leurs biens d'un seul coup, oui. Bon, on va dire un mot justement de l'an dernier, cette journée Ramayad, la secrétaire d'État aux droits de l'homme avait porté cette parole de cette lutte contre l'homophobie à l'ONU avec une déclaration d'intention pour dépénaliser l'homosexualité, puisque c'est dans ça. Beaucoup de pays, c'est encore un délit. Oui. Un crime. Un délit même, ou un crime, oui, ça dépend des pays. Et donc ça c'était le... Ça sert à quoi ça? D'aller à l'ONU, et est-ce que c'est c'est formidable, c'est une déclaration historique, parce que pour l'instant, dans l'histoire de l'humanité, d'abord, on n'avait jamais eu besoin de faire ça, parce que il faut quand même se remettre dans une perspective historique, c'est-à-dire que le XXe siècle a sûrement été le siècle le plus homophobe de l'histoire de l'humanité, donc il est quand même temps de faire quelque chose, et de se rendre compte que les homosexuels sont des citoyens comme les autres, et... Du coup, ils ont besoin d'être protégés de l'homophobie et protégés de l'homophobie d'État et des crimes et des délits dont on veut bien les accuser, alors qu'toutes les recherches montrent bien que l'homosexualité a toujours existé. C'est pas un délit, c'est une composante de la nature humaine, et voilà, quoi. Votre espoir, c'est d'arriver même à une résolution des Nations Unies. Ah ben oui, on fait tout pour, mais bon, là, le chemin sera encore long. Mais parce qu'il y a des pays importants qui bloquent. Bien sûr. Pour les nommer, c'est... On va dire les pays Moyen-Orient, la Chine, des grands pays comme La Russie aussi. Ouais, la Russie, bien sûr. Ouais. Pour rester dans les discriminations, parlons du don du sang. Alors ça, c'est une grande campagne aussi, hein, qu'on a portée depuis 2004 ou 2005. Donc c'était suite aux promesses de campagne de Madame Bachelot, qui avait annoncé qu'elle enlèverait le texte qui exclut les homosexuels du don du sang. Et en fait, Qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Ah oui, alors, vous allez faire un don du sang. Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on fait un interrogatoire sur votre façon de vivre, etc. Et quand on annonce qu'on est homosexuel, on vous dit « Ah ben non, ça va pas être possible ». Et parce que on est encore sur les vieux schémas d'il y a 20 ans, 25 ans du début de l'épidémie, en disant rapporté à la population, les homosexuels sont y a une plus population de cas à risque, voilà, et il faut les exclure du don du sang. C'est la suite des grands procès sur le sang contaminé, etc. Seulement, nous, ce qu'on dit, c'est que il y a des homosexuels qui peuvent être à risque, effectivement, mais il y a des hétérosexuels aussi qui peuvent être à risque. C'est bien dans les pratiques, parce qu'un hétérosexuel qui va pas, ou une hétérosexuelle qui va pas se protéger et avoir des multipartenaires, elle est bien plus à risque qu'un homosexuel qui vit en couple, qui a une vie stable et voilà. Donc on est plus sur un interrogatoire qui mettrait en évidence les pratiques à risque, quelles que soient les pratiques sexuelles de la personne. D'ailleurs, officiellement, dans les textes, quand on va sur le site internet de l'établissement français du sang, il est simplement dit que il faut attendre 4 mois entre ces derniers rapports multiples non protégés et puis voilà. Et puis le don du sang. Il n'est pas question de demander l'orientation sexuelle. Voilà, mais dans les faits, c'est encore bien ce qui se passe. C'est quoi? C'est un principe de précaution ou c'est une forme de discrimination, d'homophobie? Au début, moi, j'ai compris le principe de précaution quand on était vraiment dans le grand pic de l'épidémie. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on avait bien compris. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a avancé. On est tous dans d'autres réflexions. Et effectivement, ça c'est une discrimination maintenant. Merci, Denis Lefèvre, du groupe d'action gay et lesbien. Je me suis pas trompé cette fois. Projection donc ce soir du film Harvey Milk au cinéma Les Carmes. C'est à quelle heure? 20h. À 20h. Voilà, juste à côté de chez nous, rue des Carmes. Donc. Et on rappelle la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, ce sera dimanche le 17 mai. Merci Stéphane.